Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie Air Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie Air Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. Samedi 12 janvier, 20h. Le multiconcessionnaire de Dolbeau-Missassigny reçoit la visite du MGA Express de Saguenay au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix d'entrée seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! On va parler de motoneige avec notre ami Louis Gariépy. Bon matin, M. Gariépy. Bien bonjour. Monsieur Gariépy, si on parle un peu de motoneige, d'abord, vous avez fini votre périple, ça a bien été dans l'ensemble? Oui, effectivement, j'ai parcouru plus de 1700 km en 9 jours et c'était très, très, très bien. Il y avait, c'est sûr que les fins de semaine, samedi, dimanche, quoique dimanche c'était moins pire, mais le samedi, là, quand j'étais dans la région de Dolbeau et Alma, ouais, il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de trafic. Alors, c'est pour ça que c'est avantageux de faire de la motoneige sur semaine, là. Je m'en suis encore rendu compte, là, en faisant notre voyage. Ben, c'est là, sûr que le monde ne travaille pas. C'est-à-dire que ceux-là qui sont sur semaine, la fin de semaine, les gens ne travaillent pas, tandis que la semaine, c'est surtout les touristes qui sont là. Oui, ou les gens qui sont semi-retraités ou retraités. Alors, c'est sûr que c'est plus avantageux sur semaine. J'ai fait un très beau périple, là. J'ai parcouru quand même Lanaudière, une partie de Mauricie, également, bien sûr, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, spécialement le Lac-Saint-Jean, et la région de Québec aussi. C'était... Des très belles conditions, même si à certains endroits, il n'y avait pas une épaisseur de neige tellement, mais les sentiers étaient quand même très, très bien. OK. Monsieur Gariépy, il y a un bon dossier ce matin sur l'achat de motoneige neuve et usagée. J'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Vous en pensez quoi? C'est-tu comme les voitures, ça dépaissit trop vite? C'est quoi que vous pensez? Qu'est-ce qui est le mieux d'abord? Bon, c'est sûr qu'un usager, si vous allez dans le 4 temps, même s'il y a un peu de kilométrage, ça peut être un très bon achat parce que, bon, le moteur est beaucoup plus résistant. Dans le 2 temps, c'est sûr que dès que vous dépassez 10 000, 12 000 km, il faut songer à regarder au niveau du moteur, là. Que ce soit les pistons, les rings ou même les bearings du crankshaft, pour être plus sûr. Mais une motoneige déprécie beaucoup. C'est-à-dire que si vous retournez une motoneige, par exemple, vous la donnez en échange chez un concessionnaire, un deux temps, là, dès que vous dépassez 10-12 000 km, vous avez une grosse perte. Okay. Maintenant, un 4 temps, dès que vous dépassez, il faut pas arriver avec un 4 temps à 20, 22 000 km parce que là aussi, il y a une très, très forte dépréciation. De sorte que, bon, à ce moment-là, c'est comme j'ai fait, moi, la dernière fois, il y avait juste un peu moins de 16 000 km. Alors, vous avez quand même une valeur de revente qui est raisonnable, là. Okay. Mais c'est sûr que ça déprécie énormément. Et si vous allez chez un concessionnaire, et puis, de toute façon, avec la lecture des heures moteurs, vous pouvez vérifier le kilomètre parce que peu importe la vitesse que vous roulez, même si vous roulez plus haut que la limite de 70, c'est-à-dire vous roulez 90, 100, 110, ouais, à la fin de la journée, vous faites toujours 50 kilomètres à l'heure. Peu importe la vitesse que vous roulez. Donc, ça veut dire que si vous faites la lecture, vous demandez la lecture du moteur, puis vous multipliez par 50 km, vous allez voir si l'odomètre n'a pas été trafiqué. Alors, c'est dans ce sens-là. OK. Est-ce que ça va... Qu'est-ce qui vaut la peine? Je veux dire, une voiture, ce qu'on dit d'une voiture, c'est que ça prend à peu près... ça perd à peu près 30 % déjà, là. C'est aussi fou que ça, là. Dès qu'il sort du garage. Est-ce que c'est la même affaire? Ben écoutez, vous avez au moins 50% partant là quand vous la revendez une motoneige. Une voiture, effectivement, si vous avez moi j'achète mes voitures usagées autant que possible 4 à 5 ans et vous sauvez 50% au point de départ. Alors, avec un kilométrage raisonnable pour une voiture, mettons, à l'entour de 85 000 km, une motoneige, ben écoutez, à l'entour de, c'est ça, un 4 temps à l'entour de 15 000 km, c'est très bien parce que vous pouvez parcourir au-dessus de 30 000 km, là. Alors, c'est dans ce sens-là là, que moi, ça fait plusieurs voitures que j'achète usagées. Alors, à ce moment-là, pour le même prix, ben je peux upgrader mes voitures et puis adapter... ça a été très, très profitable, très profitable. Okay. Mais au niveau de la motoneige, comme je fais quand même beaucoup de kilomètres, c'est sûr qu'il est préférable d'acheter ça neuf avec les garanties. Si vous avez, comme là, j'ai 2 ans de garantie, mais si je l'avais acheté au printemps, ben, j'aurais eu 4 ans de garantie. Alors, vous avez la paix si jamais il y a un problème majeur dans le sens d'une boîte électronique ou autre chose. Ben, vous n'avez pas à débourser, sauf le petit déductible de 50$. Est-ce que une motoneige bien entretenue, ça peut faire combien de kilomètres? Bon, ça varie beaucoup, ouais. Mais ça varie aussi selon la personne qui est derrière les poignées. Oui, c'est alors, ça. Mais écoutez, non, je connais des gens moi, qui ont parcouru plus de 40 000 kilomètres avec un 4 temps. Mais 2 temps, c'est sûr que la durée de vie est pas mal moindre. Okay. Mais des 4 temps, j'ai vu des gens avec 47 000 km, 35 000 km, sans avoir nécessairement ouvert le moteur. Là. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres éléments qui sont à l'entretien du véhicule comme. Oui. Comme au niveau de la clutch, par exemple, ces choses-là, la grande poulie, la poulie menée, ben là, c'est possible que vous ayez à changer des petites pièces à l'intérieur de ça, là, étant donné le kilométrage. Effectivement. Les conditions motoneige, est-ce que vous avez des conditions ce matin? Est-ce que ça va? Ben écoutez, avec la neige qu'on a reçue un peu partout, aussi. Là, j'ai pris l'état des sentiers au niveau du site Internet de la Fédération. Ouais. Et voyez-vous, comme hier, quand je suis parti de la région de Québec pour revenir dans la région de Trois-Rivières, ben j'avais regardé et les surfaceuses avaient sorti pas mal partout. Mais par contre, comme il y a eu des grands vents hier, c'est sûr que dans les déserts qu'on appelle, ou dans les champs, ou dans en dessous des pylônes, par exemple, s'il n'y a pas d'arbres, bien sûr que là, il peut se former des lames de neige, un peu comme sur la route. Là, vous avez vu probablement qu'il y a eu des sorties de route, mais en motoneige. Il peut y avoir des lames de neige, comme j'étais dans la région de Saint-Tite hier, et effectivement, il y avait des lames de neige qui commençaient à monter un peu là, okay. Au niveau du nombre de pouces. Bon, ben, M. Gariepi, on se reparle peut-être pas la semaine prochaine, parce que je prends congé mercredi, jeudi, vendredi, mais à partir de la semaine prochaine, on se reparle. Dans 2 semaines, c'est-à-dire. Mais, durant votre congé, on pourrait peut-être profiter pour faire une petite randonnée de motoneige. Je m'en vais dans le 50e anniversaire, monsieur Gariepi. Justement, je pense dans les Laurentides. Fait que si jamais vous... en tout cas... on s'en reparle dans 15 jours. C'est très bien. Moi, entre-temps, je vais probablement, dans le prochain périple, aller plutôt sur la rive sud, c'est-à-dire à partir de Bécancour, pour aller vers... le centre du Québec et Chaudière-Appalaches. Alors, on s'en parle puis vous nous parlerez justement des conditions là-bas. Louis Gariepi, notre chroniqueur de motoneige.